Vous écoutez France Culture. Quatrième et dernier temps de notre semaine de la Fabrique de l'Histoire de l'Art consacrée à l'impressionnisme et aux impressionnistes. Lundi, nous avons visité l'exposition qui ouvre aujourd'hui les impressionnistes en privé au musée Marmottan en Monet. Puis nous sommes entrés mardi en profondeur dans l'épaisseur du portrait de Zola par Manet avec le documentaire de Perrine Kervran et de Séverine Cassard. Et hier, nous avons débattu des écrits sur l'impressionnisme, que ces écrits aient été prononcés, écrits par Mallarmé ou encore par Bourdieu. C'était le thème de l'émission d'hier. Et comme toutes les émissions de la Fabrique de l'Histoire, vous pouvez bien entendu les écouter ou les réécouter sur notre site www.franceculture.fr ou les télécharger sur ce site. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons nous demander quel fut l'héritage du groupe impressionniste. Que s'est-il passé après l'impressionnisme? L'abstraction est-elle sortie des derniers tableaux de Monet? Pourquoi existe-t-il des néo-impressionnistes encore aujourd'hui? Eh bien, ce matin, la Fabrique termine donc cette semaine avec Perrine Kervran qui l'a préparée. Avec Sylvie Patry, qui est conservateur en chef au musée d'Orsay. Elle est co-commissaire, elle a été co-commissaire des expositions, par exemple, Renoir et Monet au Grand Palais. Nous aurons également avec nous Denis Rioux, il est historien de l'art, il est auteur, entre autres, de Qu'est-ce que l'art moderne et de la peinture monochrome en folio essai chez Gallimard. Et également Adrien Goetz, il est maître de conférence en histoire de l'art à l'Université de Paris 4. Mais puisque nous sommes jeudi, commençons cette émission comme tous les jeudis par une brassée de nouvelles sur l'histoire puisée sur le net et dans les revues. S'il fallait un exemple pour prouver que l'histoire a toujours affaire avec la politique, et plus sûrement la politique entre États, il suffirait de lire les titres consacrés à la visite du président Hollande aux États-Unis. N'y a-t-on pas fait allusion à l'amitié de deux siècles entre les deux pays, à la fameuse phrase du troisième président des États-Unis, Thomas Jefferson, « Tout homme a deux patries, la sienne et la France », en visitant sa demeure en Virginie, donc à Monticello. Qu'a donc offert le président états-unien au président français lors de cette visite d'État? Un symbole même au cube, pourrait-on dire, puisque jugez-en, c'est un bureau en chêne taillé dans un arbre planté au Mont Vernon, la propriété de George Washington, datant du vivant de George Washington. Mais encore, eh bien, les artisans d'art commandités par la Maison Blanche y ont incrusté une clé, réplique de celle de la Bastille, donnée par le marquis de Lafayette à Washington en 1790. C'est tout? Non, non, ça n'est pas tout. Cette clé a été fondue dans une pièce de métal provenant de la Statue de la Liberté. Washington, la Bastille, Lafayette, la Statue de la Liberté, voilà bien un meuble de l'époque, un meuble d'aujourd'hui, un meuble hypertexte dont le bois et le métal ramènent immanquablement à l'usage politique de l'histoire. Il est des symboles qui rassemblent, d'autres qui séparent. En tournée en Europe, pour la promotion de son dernier film, l'acteur américain George Clooney s'est autorisé, lors d'une conférence de presse au Festival de Berlin, une sortie qui fait grincer des dents en Grande-Bretagne, présentant The Monuments Men, donc, qui raconte l'épopée des soldats américains chargés de récupérer à la fin de la Seconde Guerre mondiale les œuvres d'art pillées par les nazis. George Clooney s'est avancé, mais quelle est sa qualification sur le sujet, pour la restitution à la Grèce de la frise du Parthénon. Cela fait des années, on le sait, que les Grecs souhaitent ce retour. Ils ont d'ailleurs réservé la place de ces bas-reliefs dans le nouveau musée de l'Acropole. Et Clooney a provoqué ainsi une belle polémique. Les Grecs en ont profité pour relancer la polémique et pour redemander donc cette frise du Parthénon aux autorités britanniques. Les autorités du British Museum ou de la culture en Grande-Bretagne ont répondu que les marbres du Parthénon étaient bien gardés là où ils étaient actuellement. De la Seconde Guerre mondiale des Monuments Men à la Première Guerre et à son centenaire, je vous avais parlé ici même des débats entre gouvernements conservateurs et historiens en Grande-Bretagne à propos du ton du centenaire, entre glorification du rôle de la Grande-Bretagne vainqueur de cette guerre et travail de l'historien forcément critique. La ministre des Sports, Hélène Grant, a tenté en fin de semaine dernière d'éteindre l'incendie allumé par son collègue, le ministre de l'Éducation, Michael Gove, qui avait accusé les historiens de gauche de présenter une vision défaitiste de la Première Guerre mondiale. Hélène Grant est en charge de la commémoration donc en Grande-Bretagne. Et que dit-elle ? Que la Grande-Bretagne ne doit pas avoir honte d'avoir finalement emporté une victoire totale qui a changé le cours du monde. Mais qu'on ne doit pas pour autant faire sonner les trompettes et les fanfares. La guerre a tué 16 millions de personnes, blessé des millions d'autres. Le ton, dit-elle, doit être juste. Elle a poursuivi en disant qu'il ne fallait pas célébrer 4 années de misère et de tristesse profonde, certes, mais pas non plus danser dans les rues. Sur les réseaux sociaux, la commémoration de la Première Guerre mondiale donne lieu à un suivi de patients, de passionnés, justement. Ainsi, Jeeves, pseudonyme d'un adepte de Twitter, qui la semaine dernière a abreuvé ceux qu'ils suivent, dont moi, donc sur ce réseau de brèves notations à propos de la maladie dont il souffre avec beaucoup d'autres passionnés de la Grande Guerre, la poilute. Vous conservez des témoignages de la Première Guerre mondiale sous votre lit ou dans votre sac de boulot. Ne cherchez pas, c'est une poilute avancée. Dès votre arrivée dans un village, vous allez voir le monument aux morts, poilute. Vous lisez Saint-Gon au lieu de Saint-Cloud, poilute. Vous expliquez à vos collègues de travail qui étaient leurs aïeux poilus et quel a été leur parcours. Vous couvez une bonne poilute. Mémoire des hommes fait partie de vos favoris. Bonne poilute. Vous rêvez secrètement de vacances à Verdun. Poilute aiguë et Jeeves de conclure. Et là, je ne vous parle que des symptômes de poilute les plus avérés. Ici même, sans le savoir, vous côtoyez des incurables de la Première Guerre mondiale. Mais si, Jeeves, nous le savons et nous-mêmes, nous sommes peut-être un peu touchés par la poilute. – 9h13 sur France Culture, il est temps de retrouver nos invités pour cette dernière émission consacrée donc aux impressionnistes et à leur monde. Et nous allons traiter avec vous, Perrine Carvan, bonjour. – Bonjour. – Vous avez préparé toute cette semaine avec nous, traiter du post-impressionnisme. Que s'est-il donc passé après les impressionnistes ? Quel a été leur impact sur l'histoire de l'art du XXe siècle ? Nous le faisons avec Sylvie Patry, bonjour Sylvie Patry. – Bonjour. – Avec Adrien Goetz, bonjour Adrien Goetz. – Bonjour. – Et avec vous, Denis Rioux, bonjour. Bonjour. Merci d'être ici. Alors, une des questions qu'on se pose habituellement quand on traite de cette question de l'influence des impressionnistes sur le reste du siècle, c'est de savoir si c'est un mouvement final, le mouvement final d'une, mettons, de la représentation picturale de la figure humaine donc à la fin du 19e siècle, ou si c'est le début d'autre chose. On sait évidemment que ça, c'est à la fois peut-être un peu l'un et un peu l'autre. Qu'est-ce qu'on peut dire de cela, Sylvie Patry, justement ? Écoutez, effectivement, c'est peut-être un peu l'un et un peu l'autre. Il faut peut-être revenir sur ce qu'on pourrait considérer comme la fin ou la clôture de l'impressionnisme, parce que ça, c'est une question qui reste, à mon sens, assez ouverte. On peut en donner une définition un petit peu historique, en se disant que la dernière manifestation, en tout cas, de l'impressionnisme comme groupe d'artistes, manifestation collective, a eu lieu en 1886, donc dernière exposition du groupe, qui marque la transition vers une des nouvelles avant-gardes qui conteste un petit peu le leadership de l'impressionnisme, qui est le néo-impressionnisme avec Seurat et Signac. Qui expose tous les deux d'ailleurs à cette dernière exposition de 1886. Donc on pourrait voir dans cette exposition un premier jalon vers autre chose, clôture, voilà. Sinon on peut aussi prendre en compte, et ça me semble très important, le fait que la plupart des artistes, enfin tous les peintres impressionnistes d'ailleurs, ont vécu bien au-delà de 86, et certains comme Renoir et comme Monet ont produit une très grande partie de leur œuvre au XXe siècle, puisque Renoir meurt en 1919, bon, Degas en 17, Renoir en 19 et Monet en 26. Et Denis Rioux, sur ce point et sur cette importance de cette exposition de 1886, qui est à la fois donc une acmé, l'acmé de ce mouvement impressionniste, et peut-être le début d'autre chose en l'occurrence. Oui, alors... votre question me fait songer à une réflexion de Rilke qui dit que toute fin est un commencement. Mmh. Et effectivement, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'une aventure, c'est le début de beaucoup d'autres. Et moi, je dirais aussi que c'est le début d'une fracture absolument considérable dans le ce qu'on pouvait appeler le monde de l'art, qu'il faut désormais conjuguer au pluriel, puisque à partir de ces expositions indépendantes, il y a eu quelques mouvements avant, frémissements avant, mais il y a tout de même un nouveau système qui s'est mis en place, qu'on a appelé le système marchand critique, et qui échappe tout à fait à l'académie. Donc il y a quelque chose là qui naît, et au fond, ça sera les avant-gardes. Adrien Goetz. Moi, je crois que cette date de 1886, c'est que le terme même de néo-impressionnisme qu'on rencontre dès l'époque, c'est le plus grand quiproquo de l'histoire de la peinture. Si je résume le credo, pour ne pas dire le dogme non écrit de l'impressionnisme, c'est travailler devant la nature, sur le motif, saisir l'instant, la lumière, peindre avec l'ardeur de l'esquisse. Et quand je regarde un tableau aussi célèbre que un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jade de Seurat, le grand tableau qui est à Chicago, je vois qu'il a été fait avec de très nombreux travaux préparatoires, des dessins, des esquisses peintes, que quand on s'approche, c'est un travail très minutieux de mosaïste, très, très lent. Seurat a mis 2 ans, de 84 à 86, pour faire cet immense tableau, et il hérite autant de Puvis de Chavannes, une peinture monumentale, d'une peinture des fresquistes de la Renaissance, peut-être même des figures de profil des Égyptiens. C'est une peinture qui est une décantation de toute une histoire de l'art, et c'est pour moi le contraire de ce credo impressionnisme. Le néo-impressionnisme est d'une certaine façon un anti-impressionnisme. Mmh. Et je crois qu'on peut commencer peut-être par dire ça. Périne, oui, d'ailleurs, pour aller un peu dans ce sens, il y a aussi la question de la posture, c'est-à-dire que les impressionnistes se sont construits contre l'académie, contre une certaine peinture, en tout cas ont construit leur histoire sur cette question-là. Et là, on pourrait dire aussi que le post-impressionnisme, le néo-impressionnisme se construit finalement contre l'impressionnisme qui est enfin rentré plus ou moins dans les habitudes des uns et des autres. Vous n'avez l'air pas du tout d'accord avec moi. Moi, je trouve qu'il faut vraiment nuancer. Déjà, le néo-impressionnisme est effectivement une forme de rejet de l'impressionnisme. Mais c'est aussi, quand on regarde les œuvres et quand on lit le corpus théorique qui accompagne l'émergence de ce mouvement, d'ailleurs, c'est une caractéristique qui distingue le néo-impressionnisme de l'impressionnisme lui-même, qui ne fonctionne pas véritablement sur le modèle d'une avant-garde telle qu'on la comprend ensuite au XXe siècle, c'est-à-dire émergence d'un groupe très autonome avec un corpus théorique autonome et soudé, avec un corpus théorique très, très clair. Il y a juste un texte qui peut servir, qui peut tenir lieu de manifeste. C'est un texte publié en 1876 par Duranty, qui était très proche de Degas, et qui en dit beaucoup plus sur l'art de Degas, en quelque sorte, que sur l'impressionnisme comme mouvement constitué. Et ce texte paraît 2 ans après la première exposition du groupe, en 1874. Donc il y a déjà une différence de fonctionnement. Pour en revenir au néo-impressionnisme en 1800, ce texte de Fénéon et puis les positions de Signac en 1886, il y a effectivement un rejet de l'impressionnisme dit romantique, historique, de l'impressionnisme ancien, pour reprendre un terme de Fénéon, mais il y a quand même cette idée qu'on s'appuie sur l'héritage impressionniste. Alors, n'en déplaise à Adrien, déjà d'un point de vue iconographique, cette volonté d'embrasser la vie moderne, de faire de la vie moderne un sujet digne de la peinture, et la peinture la plus ambitieuse qui soit, des grands formats, des tableaux d'histoire, et la Grande Jatte à cet égard a valeur comme ça de tableaux manifestes de peinture d'histoire. Et puis cette idée quand même que les impressionnistes ont vraiment modifié l'usage des couleurs. Donc le néo-impressionnisme se vit aussi comme une rationalisation finalement d'intuition, et comme une continuation aussi autant qu'une rupture. Adrien Goetz. Là où il y avait chez les impressionnistes un élan qui se voulait spontané, là c'est au contraire très théorique. Oui, c'est oui absolument. Théorie de Chevreul, le divisionnisme théorique. Denis Rioux. Oui, dans le texte de Fénéon, le texte paru dans La Vogue en 1886, auquel vous faites allusion, Fénéon... Félix Fénéon parle effectivement quand même d'une avant-garde, à l'avant-garde de l'impressionnisme. C'est-à-dire que, déjà, le terme est prononcé, c'est très important. Et ensuite, il manifeste là qu'il y a quelque chose d'autre. Et au fond, il renvoie au passé ce qu'il va appeler aussi l'impressionnisme traditionnel. Voilà. Donc, mais comment peut-on vivre justement avec cette ambiguïté que vous soulignez tout à l'heure, Sylvie Patrick, qui est que, évidemment, ce mouvement, on l'a expliqué tout au long de cette semaine, est relativement bref. C'est une sorte de ramassé, le mouvement impressionniste en tant que tel, si on considère que 1886, c'est déjà autre chose et c'est un terme de ce mouvement d'origine, pourrait-on dire. Donc c'est un peu plus d'une dizaine d'années, une quinzaine d'années au grand maximum, quelque chose qui vient autour de cela. Donc c'est relativement bref. Comment peut-on vivre, quand on continue à vivre comme peintre pendant des années, avec à la fois une contestation des plus jeunes qui donc ne sont pas proches et sont à la fois tributaires de ce qu'on a fait et en même temps le critique, et puis de l'autre côté l'idée que eh bien va naître bientôt après Cézanne le cubisme, etc., et qu'au bout du compte on aura une autre histoire de l'art qui naîtra à ce moment-là. Sylvie Patrick, comment ça, tout cela chemine-t-il ensemble, peut-on dire? Alors, moi, mon idée, c'est que les impressionnistes sont renouvelés eux aussi. Ils n'ont absolument pas été insensibles à toutes ces contestations qui naissent dans leur sillage. Le néo-impressionnisme, donc, est effectivement approfondissement et rupture. Et l'une des figures historiques, et le plus âgé du groupe, d'ailleurs, Pissarro, devient à son tour, pour une courte période, néo-impressionniste. Donc il est vraiment en contact avec Seurat, avec Signac, et d'ailleurs ça lui porte un préjudice du point de vue de la diffusion de son œuvre, d'un point de vue commercial également. C'est plus lent à peindre en réalité. C'est plus lent, c'est mal aimé, ça rompt les habitudes visuelles. Donc son marchand, par exemple, Durand Roel, cesse de lui acheter des peintures. Enfin, je veux dire, il le fait aussi, il prend un certain nombre de risques. Du point de vue de Monet, on voit aussi quand même un renouvellement de sa peinture, de ses méthodes. Tous les impressionnistes, Renoir également, pas dans la direction du néo-impressionnisme, mais on constate ce retour au dessin, un changement aussi des thèmes. L'impressionnisme n'est absolument pas monolithique et les impressionnistes ont continué à évoluer bien après ces années-là. Périne Cabral. Oui, on pourrait presque dire que l'impressionnisme a été une phase dans la vie d'un groupe qui s'est constitué en tant qu'impressionniste et qui ensuite, pour la plupart, sont passés à autre chose. Absolument. Et puis, mon sentiment est aussi que la définition qu'on donne de l'impressionnisme et la vision de l'impressionnisme qu'ont eu toutes ces avant-gardes, parce que là, on se concentre sur le néo-impressionnisme, mais 86, c'est aussi le manifeste du symbolisme. Donc, c'est une autre contestation d'une peinture qui est jugée bas de plafond, pour reprendre des termes de l'époque. Les impressionnistes, enfin, sa définition d'impressionnisme comme un mouvement purement spontané, avec un travail sur le motif très, très immédiat, et largement une caricature. Les impressionnistes, même dans les années 1870, ont travaillé en atelier, ont dessiné avant, pour certains, avant de passer à la toile. Et je veux dire, il y a une plus grande richesse du mouvement que la caricature qui en a été donnée ensuite. Est-ce que ça n'est pas d'ailleurs la difficulté des historiens de l'art d'aujourd'hui, donc en travaillant sur cette période-là, que de démêler la multiplicité des écrits, la multiplicité des références, la multiplicité des critiques qui ont été faites, les récits ou les autorécits que se sont faits les impressionnistes eux-mêmes, d'une certaine façon, dans la multiplicité des textes qu'ils ont pu écrire, des déclarations qu'ils ont pu faire. Donc de démêler cela et donc de trouver la racine du travail, comment travailler véritablement entre la légende qu'ils ont construite ou qu'ils ont contribué à construire et puis la réalité de ce qu'ils faisaient, en l'occurrence Denis Rioux. Oui, il faut dire aussi que le mouvement impressionniste nous paraît être un mouvement unifié par ce terme même d'impressionnisme et par la réunion de ces artistes. Mais la réalité, c'est que ces artistes sont très divers et qu'il y a une opportunité de se réunir effectivement pour pouvoir exposer alors qu'ils sont ou rejetés ou mal exposés au salon officiel. Et donc, ils utilisent cette possibilité qu'il y a de montrer directement leurs œuvres au public. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord sur tout. Et d'ailleurs, tous les artistes ne participent pas à toutes les expositions. Mmh. Et même pendant ce temps, par exemple, Renoir louche du côté du salon parce qu'il sait que c'est là qu'est le succès aussi financier. Donc il y a une diversité, on pourrait dire, les impressionnismes en vérité. Adrien Gueus. Moi, je crois que ce moment qu'on appelle néo-impressionnisme, quand on lui donne ce nom, on le réduit. On a l'impression que ça n'est qu'une suite d'eux. Alors qu'en réalité, c'est peut-être un moment bien plus fécond, bien plus intéressant. Peut-être que tout part du dernier Renoir qui va vers la période rose de Picasso, du dernier Monet qui va vers l'abstraction lyrique. Et Seurat et Signac ouvrent des voies qui sont extrêmement fécondes et plus fécondes que celles que les impressionnistes avaient lancées en 1974. Thank you. Les cinq pièces pour orchestre d'Anton Webern, dirigées par Pierre Boulez. Alors, on continue notre débat. Pierrine Kervran. Alors, peut-être il faudrait, avant de continuer, nommer quand même ces courants qui succèdent à l'impressionnisme, alors que, voilà, qu'on connaît parfois sans bien savoir ce qu'ils recoupent. Alors, on connaît le pointillisme, le divisionnisme, il y en a d'autres. Vous pouvez peut-être nous faire un petit aperçu. Sylvie Patry. Alors, pointillisme, divisionnisme, ce sont des termes en fait qui désignent ce mouvement néo-impressionniste qui a pour figure de proue Seurat et Signac essentiellement, dont on peut donc situer l'émergence en 1884, et puis la fin peut-être au milieu des années 1890, quand Signac lui-même se détache de cette facture donc divisionniste, c'est-à-dire qui consiste à diviser les tons, diviser les couleurs pour en accroître le contraste. C'est aussi pour ça qu'on désigne ce mouvement sous le nom de pointillisme aussi, puisqu'effectivement la peinture était appliquée en petits points. Il y a aussi donc le symbolisme qui apparaît au milieu des années 1880, qui met en avant un art de la suggestion pour aller vite contre un art de la description qui serait un art plus naturaliste et qui englobe dans sa dénonciation l'impressionnisme considéré comme une forme, comme un avatar du réalisme ou du naturalisme. Et puis, comme l'a dit... Alors c'est un petit peu plus tard, là, si jamais on reste à la fin du 19e, il y a d'autres mouvements, comme l'a dit Denis Rioux. En fait, il y a vraiment une émergence d'une foultitude de mouvements, des cercles de l'art moderne, comme dirait Émile Verhaeren. Il y a aussi un mouvement très important, qui est le mouvement des nabis autour de Maurice Denis, de Bonnard, de Vuillard, en particulier, qui émerge à la fin des années 1880 à Paris, et qui repose aussi sur, dans un premier temps, un rejet de l'impressionnisme. Denis Rioux. Si on considère la suite de l'impressionnisme au XXe siècle, je pense qu'il y a deux grands moments et deux grands artistes. D'abord Cézanne, un moment cézannien. Après la mort de Cézanne, 1906, il y a une sorte d'hommage et de rétrospective organisée au Salon d'automne. Et cela donne le point de départ, d'une certaine façon, du cubisme. En tout cas, c'est ce qu'ont expliqué les peintres, à commencer par Picasso, Braque. Et donc, vous avez une voix cézannienne qui va être la voix d'une peinture, en vérité, très cérébrale, très intellectuelle. Et donc, ce mouvement qui va féconder une grande part du XXe siècle. Et puis, vous avez beaucoup plus tard une voix qui part de Claude Monet. Et du dernier Monet. Voilà, plus précisément du dernier Monet, c'est-à-dire des nymphéas, d'une peinture qui va fasciner... avec encore beaucoup de retard, là, plutôt dans les années 50, les artistes américains et les critiques américains qui vont se rendre compte qu'il y a là une nouvelle conception du tableau, une nouvelle conception de la peinture, avec notamment ce dispositif dans les nymphéas qui fait que nous sommes environnés par la peinture, nous sommes comme plongés au cœur. Voilà, nous sommes plongés au cœur de la peinture, c'est un panorama en effet. Ce n'est plus un tableau de chevalet. Périne Quimont. Oui, et justement, d'ailleurs, peut-être si on parle des nymphéas, pour le public aujourd'hui, c'est un moment mythique de la peinture. Comment est-ce que ça a été reçu à l'époque ? Est-ce que, parce qu'on en a beaucoup parlé, est-ce que ça a fait scandale ? Comment est-ce que tout ce grand cycle de Monet a été reçu ? Il y a, à mon avis, déjà une ambiguïté quand on évoque le panorama, parce que le panorama nous renvoie à une peinture de bataille académique, du 19e. Le panorama de Rosonville, dont on a des fragments au musée de l'armée. On va vers une peinture qui faisait horreur à Monet. Il ne voulait pas qu'on construise une rotonde pour qu'on ait l'impression d'être dans l'illusion de se trouver dans son jardin de Giverny. Nous, on le voit évidemment parce qu'on connaît la chapelle Roscoe, on sait qu'on a en tête cette plongée dans un autre monde qui n'est plus la peinture de chevalet, mais qui est un espace dans lequel on pénètre, et on voit ça comme quelque chose de très novateur. Et au moment de l'inauguration, quand Georges Clemenceau entre avec les premiers visiteurs et les premiers critiques dans la salle de l'Orangerie, c'est une forme de déception, peut-être parce que Claude Monet appartient au passé. Il n'y a pas un succès immédiat. Il y a vraiment une découverte, peut-être après la Seconde Guerre mondiale, mais dans la France des années 20, ça paraît comme un décor de tapisserie un peu démodé qu'on comprend mal. Oui, Sylvie Patry. Oui, effectivement, il y a une réception à retardement des nymphéas. Quand les nymphéas sont installés, ensuite inaugurés et ouverts, quand le cycle est visible par le public, donc Monet est mort, c'est une ouverture posthume, même si tout a été organisé selon ses volontés et Clemenceau s'est engagé personnellement pour veiller à cette installation. Il avait été très clairement lié d'ailleurs à la genèse même du projet, puisque Monet a commencé à penser à ce cycle dès le début du XXe siècle et ensuite pendant la guerre, pendant la Première Guerre mondiale. Il a peint de façon frénétique, en détruisant beaucoup de tableaux, d'ailleurs beaucoup d'essais. Ça a été une genèse extrêmement douloureuse. Il a été très encouragé par son ami Clémenceau et il a donné le début du cycle. À l'époque, il y avait deux panneaux. Il l'a donné le jour de l'armistice pour célébrer la victoire de la France. Donc il y a aussi un côté très, très patriotique. Oui. C'est son combat. Républicain, c'est vraiment son combat. Et puis c'est une forme aussi de grand décor public auquel les impressionnistes n'avaient jamais eu accès. Donc c'est vrai qu'on a vraiment une réception à retardement. Bon, Monet n'est pas complètement oublié dans les années 20, dans les années 30. En 1931, il y a une grande rétrospective qui est organisée à l'Orangerie, qui est un succès public important. Denis Rioux. Oui, alors effectivement, moi j'ai parlé, je fais un grand saut dans le temps, j'ai parlé des années 50 aux États-Unis, mais c'est vrai que Monet intéresse d'autres peintres dans les années 10 et 20, et il intéresse notamment, l'épisode est très connu, il intéresse notamment Kandinsky, qui se souvient avoir vu dans sa jeunesse une peinture, il faut insister sur le terme de peinture, justement pas une représentation, une peinture de Claude Monet, une meule, et quand il est devant la peinture, il ne voit pas, il ne comprend pas ce que cela représente. Grand choc, évidemment. Le catalogue lui apprend que c'est une meule. Et du coup, au fond, ça ne l'intéresse pas beaucoup. Il s'aperçoit que, pour parler comme Théodore Duret, le critique et collectionneur des impressionnistes, il s'aperçoit que la peinture en soi, c'est l'expression de Théodore Duret, est plus importante qu'une peinture qui représente quelque chose. Ce sont donc là les prémices de l'art abstrait. Mais c'est d'ailleurs ce que disait dans le livre dont on parlait hier dans son cours Pierre Bourdieu, quand il disait en fait que peut-on dire face aux meules de Claude Monet, d'une certaine façon. C'est-à-dire que l'habitude du commentaire et de la critique du 19e siècle, c'est qu'il y avait un sujet, et ce sujet, on le décrivait, un sujet mythologique, un sujet religieux, il y avait des personnages dont on pouvait parler, mais à partir du moment où ces meules vont vers l'abstraction, d'une certaine façon, il n'y a plus d'histoire. En tout cas, on ne peut plus parler de l'histoire de la même façon. En l'occurrence, c'est ce que disait Bourdieu. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est tout à fait juste, évidemment. On ne peut plus parler de l'histoire. C'est même... C'est l'antithèse de la peinture d'histoire. Voilà, c'est un des grands aspects, à mon avis, de la révolution impressionniste. Il y a véritablement une révolution de ce point de vue. On ne peut plus parler de sujet. Et du coup, le sujet, c'est la peinture. La peinture qui parle d'elle-même, en quelque sorte, qui se manifeste dans sa splendeur. Sylvie Patry. Oui, absolument. Et c'est vrai que... Enfin, absolument oui et non, finalement. Absolument pas, donc. c'est poli de dire absolument. Vous pouvez dire que Pierre Bourdieu s'est trompé aussi. Non, je ne m'y risquerai pas. Non, c'est-à-dire qu'en plus, c'est assez amusant de voir... que précisément une série comme Les Meules, par exemple, ou la série des cathédrales de Monet, donc 92 et 95 pour l'exposition des cathédrales, 1800, a fait l'objet dans les années 1970 de lectures très, très iconographiques, très fortement iconographiques, prenant très au sérieux le fait que justement il y avait des sujets qui avaient été soigneusement choisis par Monet et que tout ça faisait référence à la construction d'une identité nationale, d'un discours républicain, etc., voire anticlérical. Enfin bon. Et vous, donc, vous placez où parmi ces interprétations? Pas d'histoire ou trop d'histoire? Un petit peu des deux pour être juste milieu, pour être 19e siècle. C'est Normandie impressionniste, mais avec vous, c'est la Normandie. Non, mais je pense qu'il faut vraiment... à chaque fois distingué, je pense qu'il y a vraiment un point de vue iconographique et une importance du sujet dans l'impressionnisme tout au long des années 1870-1880. Et effectivement, je pense qu'avec les séries de Monet à partir du début des années 1890, on passe quand même à autre chose. Enfin, on passe vraiment à autre chose. Adrien Goethe. Et puis, il y a aussi une dimension politique. On parlait de l'engagement de Monet dans la Première Guerre mondiale à travers sa peinture. C'est l'acte patriotique, mais il y a aussi tous ceux qui suivent Signac et Seurat. Signac, grand homme de gauche. Il y a Charles Engrand, anarchiste et repéré comme tel et militant. Il y a Maximilien Luce, qui est très engagé, qui peint les victimes de la Commune, qui est un anarchiste qu'on emprisonne lors de la visite d'Alphonse XIII à Paris. On l'emprisonne préventivement. Et puis, il y a de l'autre côté ceux qui suivent le divisionnisme dont on parlait tout à l'heure et qui sont beaucoup plus du côté des chers maîtres. Il y a Hippolyte Petitjean, élève de Cabanel qui fait des petits points. Il y a Henri Martin, les grands décors des couloirs de la Sorbonne. Henri Martin, voilà un disciple de Seurat et de Signac et qui est du côté des grandes commandes officielles. Donc il y a aussi cette dimension qu'il ne faut pas négliger. C'est l'inscription dans un échiquier politique. Alors, vous donniez tout à l'heure, Denis Rioux, l'exemple de Kandinsky donc, et de sa fascination devant les meules de Claude Monet. Est-ce qu'on a d'autres exemples de ceux qui constitueront la peinture donc totalement abstraite du XXe siècle, à part les Roscoe et les autres dont on va peut-être un peu parler plus tard, mais dans ces années 30, etc., qui font référence à cette peinture impressionniste, ou est-ce qu'au contraire, et ça serait logique d'une certaine façon, laissent-ils cela de côté en se disant, tout compte fait, c'est le passé, nous créons un art de toutes pièces, et les Picasso et les autres, et tous ceux qui dans les années 30 vont peindre des motifs abstraits, vont peut-être partir sur d'autres chemins. Il y a au moins un exemple fameux et très important du côté de la peinture abstraite, c'est à la fin des années 10. En 1919, Casimir Malevitch, qui a déjà peint le carré noir sur fond blanc et qui a déjà peint aussi le carré blanc sur fond blanc, 1918, donc dans un texte un petit peu postérieur, en 1919, il évoque les cathédrales de Rouen de Monet et il évoque non pas la représentation de la cathédrale de Rouen, il évoque, c'est son expression, elle est très belle me semble-t-il, la peinture qui pousse sur la cathédrale. Et c'est cela que réalise Monet, il se saisit de cette peinture qui pousse sur la cathédrale. Magnifique. Un extrait de l'histoire du soldat de Stravinsky, 1917, sous la direction de Joseph Silverstein, Perrine Kervran. Oui, alors peut-être on peut continuer à cheminer comme ça sur ce qui se passe après Monet, après les nymphes. Il y a peut-être d'autres peintres, on a évoqué Malevitch, on a évoqué Kandinsky, peut-être il y a d'autres peintres aussi qui sont marqués par Monet, Sylvie Patry. Oui, moi je citerai l'exemple de Denaby, qui Vuillard et Bonnard en particulier, qui a constamment regardé Monet, qui a d'ailleurs été lié à Monet. Chacun de ces artistes, en fait, ont rendu visite ensuite au maître. Il y a eu un rituel, la visite à Renoir dans le sud de la France, la visite à Monet à Giverny, au-delà de l'anecdote, qui a eu des impacts très forts sur leur œuvre, et en particulier, je pense, sur l'effet de saturation, de vibration des couleurs chez Bonnard, cette volonté de remplir la toile aussi est très liée à l'exemple que Bonnard a pu tirer de Monet. Et comme il allait à Giverny, il voyait la peinture fraîche, si je puis dire. Il voyait vraiment le dernier Monet. On peut aussi songer à Matisse qui a quand même beaucoup, qui a fréquenté Renoir, qui a beaucoup regardé les impressionnistes, même s'il est allé au-delà. Et les Fauves ont aussi regardé les impressionnistes. Il n'est pas anodin, par exemple, que Derain aille peindre à Londres. Après avoir vu l'exposition des vues de Londres de Monet, il va vraiment sur ses pas, il peint sur ses pas, il peint aussi sur des sites impressionnistes, Vlaminck, pas à Chatou, donc il y a quand même une filiation. Et est-ce qu'on peut retourner aussi la proposition peut-être ? Est-ce que quand on voit l'évolution de la peinture de Monet, quand on voit les nymphéas, où on a vraiment l'impression qu'il est effectivement passé complètement à autre chose, est-ce que lui aussi regardait peut-être ses contemporains et peut-être cela a fait avancer son regard, l'a fait aller vers les nymphéas, et ce n'est pas forcément uniquement lui qu'on regardait. Sylvie Patry. Alors à ce moment-là, Monet est quand même assez isolé à Giverny, il vient assez peu à Paris, donc il est assez difficile en tout cas pour moi, de savoir exactement ce qu'il connaissait. Il connaissait effectivement, j'ai parlé de Bonnard parce qu'il avait vraiment un contact direct. De là à dire qu'il avait une véritable connaissance de ce qui se passait sur la scène artistique dans les années 1920 et en particulier auprès des jeunes générations, ça très sincèrement, je ne le sais pas. Je ne sais pas si on peut vraiment le déterminer. Ça n'apparaît pas dans sa correspondance en tout cas, par exemple. Denis Rioux. Enfin, on peut en tout cas souligner l'éloignement considérable entre ces artistes qui sont encore vivants, notamment Monet, qui meurt en 26, avec les mouvements d'avant-garde de leur époque. Les dadas. Mouvements d'avant-garde, voilà, les dadas notamment. Mouvements d'avant-garde qui quittent la peinture aussi, qui ne sont plus seulement des peintres, qui inventent d'autres pratiques, toutes sortes d'autres pratiques. Il faut quand même rappeler que les premiers ready-made, ça date de 13, 14, le scandale, mini-scandale, très peu connu à cette époque-là, il n'a aucune chance de le connaître, me semble-t-il, Monet, mais le scandale du Salon des Indépendants avec cette urinoir présentée par Marcel Duchamp. Tout ça est... envoie l'impressionnisme dans un passé extrêmement lointain. C'est tout ça, la peinture est en quelque sorte déjà terminée. Il y a une autre histoire qui se met en place à ce moment-là, qui n'est pas du tout dans la suite. Et je pense qu'il y a quelque chose d'un peu tragique pour les impressionnistes de continuer à peindre dans ce monde qui finalement leur tourne le dos. Vous êtes d'accord, Adrien Goetz, ou pas ? Oui, moi j'insisterai sur la filiation Signac-Matisse, par exemple, dont on peut parler, hein, à Saint-Tropez, le travail que fait Matisse dans la lumière de Signac. Quand vous regardez le grand tableau de Signac, autant d'harmonie, celui de la mairie de Montreuil, où on voit ce paysage idyllique, magnifique avec des ouvriers qui jouent à la pétanque avec les pommes d'or du jardin des Hespérides, on sent que c'est que Matisse est déjà là. Donc ça, il y a une vraie fécondité de ces néo-impressionnistes, si on les appelle ainsi, dans la génération suivante. Et sur la ringardisation, entre guillemets, j'exagère un peu ce que dit Denis Rioux, de ces impressionnistes par des générations plus récentes, plus jeunes, qui se tournent ou se détournent plutôt de la peinture. Vous êtes d'accord, Sylvie Patry ? Parce que on peut dire qu'il y a les deux qui fonctionnent. C'est-à-dire, vous voyez, on voit bien les filiations, ceux qui continuent à peindre et peindre de la peinture dans la lignée des impressionnistes. Puis il y a ceux, effectivement, qui s'en détachent complètement et qui vont, d'une certaine façon, aller vers d'autres chemins de l'histoire et de l'histoire de l'art. Oui, moi je ne suis pas une spécialiste du XXe siècle, mais je pense qu'il faut quand même avoir une vision large de ce qui s'est passé au XXe siècle. Et effectivement, il y a peut-être une partie des avant-gardes qui ringardisent l'impressionnisme. Il faut quand même dire que ces avant-gardes, enfin au tout début du XXe siècle en tout cas, que ce soit le Blaureiter en Allemagne, etc., ils ont organisé des expositions. Et dans ces expositions, ils ont inclut des tableaux impressionnistes. Donc la ringardisation est peut-être aussi relativisée, si je puis dire. Ensuite, comme je l'ai dit, il y a quand même des artistes comme Matisse, comme Bonnard, comme Picasso, qui ont continué à avoir un dialogue, parfois conflictuel, mais et parfois fécond, avec l'impressionnisme. Donc je pense qu'il n'y a pas uniquement une ringardisation. Denis Rioux ? Oui, bien sûr, c'est sans conteste, mais il n'empêche que toute une part de l'art moderne du XXe siècle, l'art aventureux, les avant-gardes du XXe siècle tournent absolument le dos à cette tradition-là. On peut même dire que, par exemple, le surréalisme qui a eu une si considérable importance est destiné, n'a que très peu à voir avec une postérité de l'impressionnisme. Il y a donc vraiment quelque chose... Et il faut rappeler que quand même, ça naît en 1924. Autrement dit, Monet, j'insiste beaucoup là-dessus, Monet est encore vivant. Et on est complètement ailleurs, dans un autre monde, vraiment. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a effectivement à la fois les artistes et le milieu des artistes, mais il y a le milieu des collectionneurs, il y a ceux qui achètent l'art de leur époque. Qu'en est-il, vous qui avez travaillé sur ces expositions, ces grandes expositions, en particulier pour le Grand Palais, et puis aussi qui êtes conservatrice à Orsay, en l'occurrence, Sylvie Patry, qu'en est-il de ceux qui achètent dans les années 20, dans les années 30, dans les années 40, cet art de la fin du 19e ou du tout début du 20e siècle, qui est l'art des impressionnistes ? C'est-à-dire, est-ce que progressivement, on voit des collections se former forger, on voit un marché se développer, là où au tout départ on disait qu'on achetait plutôt des impressionnistes parce qu'on avait de l'argent, mais que ça coûtait beaucoup moins cher dans les années 1870-1880 que tous les artistes de l'époque, et qu'on l'achetait un peu pour leur faire plaisir et un peu pour se faire plaisir aussi. C'est ce qu'on racontait dans l'émission de lundi. Qu'en est-il justement de cette collection, de ce marché et de la vision qu'a le marché de ce milieu des impressionnistes dans les années d'entre-deux-guerres, par exemple? Oui, c'est vraiment le moment, c'est le moment où le marché de l'impressionnisme prend son envol, parce qu'effectivement, dans les années 1870-1880, on peut dire qu'on a affaire à une première génération de collectionneurs qui est avant tout une génération de convaincus. Il y a quelques collectionneurs spéculateurs, mais principalement, ce sont quand même effectivement des collectionneurs qui achètent selon leur goût. En tout cas, c'est le sentiment qu'on a en regardant un petit peu leur collection. Et ensuite, effectivement, on a une deuxième génération au tournant de 1900 qui en vient à l'impressionnisme. Ça correspond aussi au moment où l'impressionnisme commence à être reconnu de façon officielle, puisque Gustave Caillebotte lègue, qui était donc un des grands artistes impressionnistes, lègue sa collection à l'État, une soixantaine de peintures. Finalement, 38 seront acceptées par le musée du Luxembourg, qui est à l'époque le centre Pompidou d'aujourd'hui, si je puis dire. Donc c'est à partir de la fin du 19e et de 1900, il y a effectivement une reconnaissance de l'impressionnisme d'un point de vue institutionnel et d'un point de vue commercial, et toutes les grandes collections de l'entre-deux-guerres en général comportent des tableaux impressionnistes. Les records de prix, c'est le moment où les records de prix sont battus. Enfin, on n'en est pas à ce qu'on connaît aujourd'hui. Non, mais il y a quand même c'est quand même une peinture pour des artistes vivants. Ils détrônent, disons, que les peintres les plus chers avant les impressionnistes, c'était la génération de Barbizon, c'était Millet, Longinus de Millet, c'était Théodore Rousseau, etc. Et ensuite, effectivement, au tournant du siècle, on a une bascule et ce sont les impressionnistes qui deviennent les artistes les plus chers. Et on peut dire que les tableaux impressionnistes et puis Van Gogh ensuite dominent le marché en termes de record de prix jusqu'aux années 1990. Et ça accompagne la mondialisation du marché aussi, parce qu'effectivement, on l'expliquait, les Américains, mais pas simplement les Américains, partout, on va acheter de l'impressionnisme en l'occurrence. Absolument, c'est vraiment une internationalisation complète du marché, sous l'effet d'ailleurs d'un marchand qui s'appelle Paul Durand-Ruel, qui a beaucoup œuvré en ce sens. Donc les prix s'élèvent aussi parce qu'il y a une concurrence très très forte autour de l'impressionnisme, entre des collectionneurs américains, comme les Havemeyer, qui ont ensuite légué leur collection au Metropolitan Museum de New York. Les Allemands vont beaucoup acheter l'impressionnisme à des prix très élevés, mais également quelques Russes, un peu moins les Russes. Ensuite, Tchoukine et Morozov seront plutôt intéressés par Matisse, mais ont beaucoup collectionné Cézanne. Alors, Denis Rioux, vous aviez été un peu plus vite que la musique tout à l'heure, en venant dans les années 50 nous parler de cette influence, en particulier du dernier Monet sur les peintres américains. On parle de l'Amérique, effectivement. Qu'est-ce que c'est ce rejeu, pourrait-on dire, de l'impressionnisme dans l'art des années 50, Roscoe et les autres, aux États-Unis? Comment ça se passe? Est-ce qu'on sait pourquoi, à 30 ans de la mort de Monet, au bout du compte, c'est là où on va voir se développer un art qui dit on a quelque chose à voir avec cette histoire-là, d'une certaine façon, Denis Rioux? C'est un art, cet art américain des années 50, c'est un art qui se veut tout à la fois d'avant-garde, un art de son époque. Totalement abstrait. Abstrait. Dans la couleur. Mais c'est un art qui s'inscrit dans la peinture. De plein pied dans la peinture, contrairement à toutes sortes d'autres courants qui ont inventé toutes sortes d'autres pratiques artistiques. Pour donner un peu l'idée de ce que cela peut produire, le rapport à Monet, puisque c'est du dernier Monet qu'il s'agit, on peut évoquer une petite peinture qui a été réalisée par Ellsworth Kelly après une visite en 1952 de la maison et de l'atelier de Monet, qui ne sont pas encore... Enfin, qui sont en main privée, qui ne sont pas encore ouverts au public, il y accède. Et il voit les derniers Monet, et en rentrant chez lui, il peint un petit tableau qui est presque monochrome, avec simplement des petites variations extrêmement fines de bleu et de vert qui couvrent entièrement la surface. Et qui couvrent entièrement la surface, ça a un nom, ça va avoir un nom aux États-Unis, c'est la peinture all over, la peinture ouverte, la peinture qui n'a pas de centre, c'est encore plus important. C'est une peinture dont la respiration, disons, est tout à fait différente de la représentation actuelle. Et donc là, on a cet exemple d'une fascination, et ça va se théoriser par les critiques, et notamment le grand critique américain de cette époque est Clement Greenberg, qui va consacrer un article au dernier Monet, et qui va faire le lien entre les pratiques, par exemple, de Jackson Pollock et ce dernier Monet, notamment donc ces infias qui sont polyphoniques, dit-il, hein, décentrées, polyphoniques. Et là, le rapport est évident. Et maintenant, nous le voyons, nous. Ce n'était pas évident en 1950. Adrien Goetz. Mais il y a du coup une tentation d'un regard rétrospectif. C'est-à-dire que nous regardons ces œuvres parce que nous connaissons la suite de l'histoire. Les historiens de l'art sont des historiens comme les autres. On apporte notre époque avec nous. Non. On regarde peut-être mieux Seurat et Signac parce qu'on est dans un monde pixelisé. On a un regard qui est, quand je suis devant les îles d'Or d'Henri Edmond Cros au musée d'Orsay, ce paysage du la Vaudou, je ne le vois pas du tout comme un paysage, je le vois comme déjà un Rothko. Et ça, est-ce qu'il ne faut pas se méfier de cette attitude, Denis Rieu ? Effectivement, cette attitude, il faut s'en méfier, surtout la nôtre. Nous, descendant encore plus tard. Voilà. Mais moi, j'ai parlé du regard d'un artiste. J'ai commencé par Swarovski, parce que c'est précisément un artiste, un jeune artiste, ça un tout jeune artiste. Qui fait le lien, et c'est l'artiste lui-même. Absolument. Et Swarovski, il est à Paris dans ses années 50, début des années 50. Il ne connaît pas la peinture de Pollock quand il voit ça. Donc lui, il a vraiment un regard qui est formé par certainement les impressionnistes qu'il a pu voir aux États-Unis dans sa prime jeunesse, ne serait-ce que dans les musées, puisqu'il y en a déjà évidemment dans les musées. Et là, il aperçoit autre chose, et c'est en peignant qu'il nous fait voir ce Monet que nous ne connaissions pas. Donc en réalité, ce n'est pas un regard rétrospectif, c'est un regard ancré dans une époque, ancré donc dans ces années 50, et qui trouve au fond sa nourriture pictural, artistique, dans le Monet des années 20. Alors, il y a une question qui me taraude depuis le début de cette semaine et que je voudrais vous poser pour conclure peut-être cette série d'émissions. C'est la question de ceux qui, d'une certaine façon, sont dans un regret permanent de la disparition de ce mouvement impressionniste, de ces peintures de la fin du 19e siècle, etc., de cette figure, certes floue, mais toujours présente, alors qu'effectivement, beaucoup de l'art du 20e siècle a fait disparaître la figure humaine. Bref, de ces post-impressionnistes qui, à longueur d'académie, repeignent des paysages de bord de Seine en pensant qu'ils sont les successeurs directs de Monet, par exemple. Qu'est-ce qu'il faut en dire de ce regret-là ? Est-ce qu'on travaille là-dessus quand on est historien de l'art ? C'est-à-dire de voir ces peintres russes, ces peintres américains, ces peintres chinois qui vendent à des collectionneurs russes, des collectionneurs américains, des collectionneurs chinois, des sortes de pastiches permanents de Monet ou des impressionnistes en l'occurrence. Qu'est-ce qu'il faut en penser, Sylvie Patry ? Vous les croisez, ces gens-là, ou vous voyez ça ? on le voit. Vous le repérez dans le marché ? On le voit dans les catalogues de vente ou dans la Gazette de l'Hôtel-Drouot, ou alors quand on va à Giverny, il y a un peintre qui dans la rue qui mène à l'atelier de Monet et qui a mis une pancarte, et je crois qu'il explique qu'il est un vrai impressionniste. Enfin, il y a peintre impressionniste comme une carte professionnelle. Oui. Il y a un médecin et il y a un peintre impressionniste. Oui. Donc c'est vrai qu'il y a une forme de nostalgie pour une peinture qui a su se faire accepter et qui est en général identifiée une sorte de bonheur de vivre, d'insouciance, de figuration assez facile, parce qu'il n'y a pas de difficulté à comprendre le sujet d'une peinture impressionniste. On n'a pas besoin de connaître la vie d'un saint ou un moment où la mythologie... Donc du coup, effectivement, il y a peut-être une nostalgie qui se traduit aussi du côté du public, si l'on considère le succès que les expositions impressionnistes continuent à avoir. L'exposition Monet... Qui sont partout. Voilà, l'exposition Monet en 2010 au Grand Palais a été un record historique de fréquentation, près d'un million de visiteurs. Oui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, comme le disait Daniel Arras, on n'y voit rien. Là, on y voit quelque chose, entre guillemets, pour le public qui se presse dans ce genre d'exposition. Donc, on croit, mais bien sûr, on croit y voir quelque chose, Adrien Goetz. Moi, je crois que les impressionnistes sont comme les Templiers, ils sont parmi nous. Hein, vous qui aimez les Templiers, mais voilà, on les a rencontrés. C'est-à-dire que je me souviens d'être allé visiter l'école des beaux-arts de Hangzhou en Chine. On m'a montré un étage entier de jeunes artistes conformes à la peinture de paysages impressionnistes, à côté de l'autre étage où ils apprennent la calligraphie. Les impressionnistes sont vivants et on en connaît en Russie, on en connaît. Il y a un mythe tenace de l'impressionnisme qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez devenir impressionniste. Denis Rioux ? Ils ne sont pas vivants, ce sont des morts vivants, en vérité. Vous qui aimez l'art vivant, justement, oui, le gazier. Comme les Templiers, en effet. Non, je pense tout simplement que c'est ce qui arrive généralement, le temps passant. Eh bien, les impressionnistes qui étaient à leur époque les intransigeants, les communards, les anti-académiques, eh bien, ils se sont, ou leur peinture en tout cas, c'est. L'œil s'est fait. L'œil s'est fait. L'œil qui a été révolutionné par leur art. Absolument. Et s'est fait absolument. Et cet art s'est embourgeoisé. C'est clairement embourgeoisé. Oui, et par conséquent, il y a des suiveurs aujourd'hui qui profitent de cette vogue de ces maîtres pour continuer un art. Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a peu de maissonniers ou de post-maissonniers. Il y a peu de post-Jérôme, il y a peu de post-Ingres même aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire qu'il y a tout un art qui a totalement disparu, en l'occurrence. Si je suis très méchant, je dirais que c'est plus difficile, que l'art académique, c'est plus difficile à faire. C'est plus lent, en effet. Déjà, le post-impressionnisme, l'a souligné Adrien Goetz, c'est plus lent. Mais pour travailler comme Bouguereau, il faut un apprentissage sérieux. Non, je crois que c'est pas tout à fait exact. Il y a sorti de l'école des Beaux-Arts un jeune artiste qui s'appelle Aymeric Luisset, par exemple, qui fait des photos sur des champs de bataille, aujourd'hui, en faisant poser les personnages avec le schéma de la maison de la dernière cartouche et des peintures d'Alphonse de Neuville de Detaille qui l'inspirent énormément. Et c'est du côté du photo journaliste. De la peinture de bataille revisité aujourd'hui par les étudiants de l'École des Beaux-Arts actuels. Oui, ça existe. C'est évidemment vrai, mais il y en a moins. Et alors, peut-être ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est un héritage vraiment, me semble-t-il, très important de l'impressionnisme. Le monde de l'art qui était relativement unifié, qui a été unifié pendant longtemps, qu'on m'accorde cette généralité historique, le monde de l'art a éclaté, explosé. Il est en miettes. Et quand on parle. On parle de l'histoire en miettes, on peut parler de l'histoire de l'art en miettes. Absolument, c'est ça. Oui. Et quand on parle du monde de l'art, on a tout à fait tort. Il y a des mondes de l'art, il y a des marchés de l'art, et ils ne sont pas unifiés, bien sûr. Un dernier mot, Sylvie Patry, sur ce point ? Non, je suis absolument d'accord, effectivement, et on peut rendre crédit aux impressionnistes, effectivement, d'avoir éclaté et d'avoir diversifié ces mondes de l'art. Merci à tous les trois. On pourra lire de vous, Denis Rioux, la peinture monochrome, ou encore Qu'est-ce que l'art moderne ? Qu'est-ce qu'on peut lire, Adrien Goetz, sur ce thème de vous-même ? Très bientôt, un roman policier qui sort chez Grasset le mois prochain, qui va s'intituler Intrigue à Giverny. Parfait, alors on ne peut pas trouver mieux. Effectivement, puis vous savez mon goût pour le roman policier, donc vous me faites plaisir, en l'occurrence, Adrien Goetz. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Yvonne Abolivier. Je dis Marie-Yvonne Abolivier, mais également Claire Maillot et Aurélie Marcet. Vous savez que l'habitude revenant tout le temps. Et à la réalisation, Véronique Samouilov. À la technique, Clément Berman. Et donc, si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. Vous pourrez donc l'écouter pendant 1000 jours, la télécharger pendant un an après sa diffusion. Laissez vos commentaires sur nos pages et vous ne vous gênez pas, et c'est très bien. Mais également, discuter avec nous sur le réseau Twitter ou sur le réseau Facebook.